et j'étais mal parti. Alors je m'accroche à l'écrit. J'ai une P2Z. Squatter studio pendant des heures, c'est ma destinée. Prêt à étonner les gens, non. Je vais les faire voyager à travers le temps. Squatter studio pendant des heures, c'est ma destinée. Prêt à étonner les gens, non. Je vais les faire voyager à travers le temps. On m'a trompé dans la vie, j'étais mal parti. Courte existence, ferais-je enfer ou le paradis? Peu importe, c'est la parade frère avec ou sans radis. Courte distance, entre la prison et la maison. J'ai laissé mon cœur la fouille, non pour laisser place à la haine. Pendant que le maton te fouille mes couilles. 6 heures de cycle, la bière me donne de l'inspiration. Je suis encore un alcoolique de plus en prison. Triste réalité, triste, triste réalité. J'écris cette lettre pleine de larmes de conviction. Je préfère rêver, mais la réalité m'en a fait taper des convulsions. Rien ne marche, tout se paye. Lève-toi et marche. On est que des humains, on marche, on paye. Guette de paradoxe de la vie, c'est qu'à nous marche. Un petit Tipeee, j'y sera pas. Quarantaine avec à l'arrache. Même si c'est pas à faire se lasser. Je peux vraiment entrelacer toutes mes pensées. Devenu mes meilleurs confidents. Si le micro, je peux plus monter la cesse, c'est évident. Soit tes studios pendant des heures, c'est ma destinée. Prêt à étonner les gens, non. Je vais les faire voyager à travers le temps. Squatter studio pendant des heures, c'est ma destinée. Prêt à étonner les gens, non. Je vais les faire voyager à travers le temps. Entre le bonheur et la rage, tous le savent, merde on nage. À force de nous foutre des bâtons dans les roues, on finit par en avoir rien à foutre. On roule tous même sur deux roues, je suis venu pour étonner les gens, man. J'entrerai pas dans la légende, c'est pas avec la peine et l'élégance. Chaque soir je nage en plein cauchemar, comme c'était le début du voyage, mais déjà trop tard. Mélancolique et fier de l'être, c'est avec un sort d'angle que je t'écris cette lettre. À quoi te faire tourner la tête, j'aimerais prendre le voile, évacuer ma rage. Arrêtez d'y croire, non je veux juste tourner la page. T'as déjà vu une bonne séance string sur la plage. Non, le bonheur n'est qu'un mirage, le malheur se trouve au virage. Y a pas de casse dédié, casse d'essai dans le journal, c'est la pire page. Viens voir dans mes rêves, tu demanderas, c'est pas moi qui a sonné la trêve. Viens voir dans ma haine, je te raconterai ce qui me gêne. Chaque nuit rap dans les gènes, taché dans les veines. J'exauce ces trois vœux du génie. Seule ma plume aura droit à un Oscar. Seul contre tous, c'est pas le maître mais le chien qui a l'Oscar. Seule ma plume aura droit à un Oscar. Seul contre tous, c'est pas le maître mais le chien qui a l'Oscar. Mais le chien qui a l'Oscar. Toi, tes studios pendant des heures, c'est ma destinée. Prêt à étonner les gens, non. Je veux les faire voyager à travers le temps. Tes studios pendant des heures, c'est ma destinée. Prêt à étonner les gens, non. Je veux les faire voyager à travers le temps. La rage dans mes yeux bleus, c'est une flamme comme une étoile qui brille de ses cieux. C'est vrai que j'écris bien, appelle-moi l'écrivain. Comment éviter l'accident si c'est quand quittant l'Occident? Comment éviter la prison si c'est quand jouant les moutons? Je vois tout le monde se vautre, ment. Comment te l'expliquer autrement? La vie est faite ainsi, l'ami. Ça doit être l'effet d'une amie. Ça doit être l'effet d'une amie.